Je m'appelle Jean-Jacques et c'est dans un tout petit gros cinéma. Je change de rythme, rien ne m'arrête. Peut-être les arrêts. Pourtant un soir, j'ai tout brisé, tous mes amis ont succombé. Je suis vivant car je supporte l'odeur infâme des gaz que mon rectal. Quand j'ai le temps, je vais te rendre. Quand j'ai pas le temps, je lâche dans la cabine. J'ai pris le temps de dire à mes amis, restez pas là, vous allez tous mourir. La fin du monde est à venir, mais dans le vent des lunons, dans le temps à la négrie, je sens le coup partir, mais dans ta gueule, tu te sentiras moins seul. Les trois kebabs mal digérés, j'avais prévenu le maire et le curé. Ils m'ont pas cru, mais qui lui truc de charbon pointu. Tu dilatais, méchante diarrhée, mon cul tremblé, mon ventre est retourné. Comme une chanson de Pierre Perret, tout tout tout vous irez tous dans la rêve. Quand j'ai le temps, je bête au rang. Quand j'ai pas le temps, je lâche dans la cabine. J'ai mis le temps de dire à mes amis, restez pas là, vous allez tous mourir. La fin du monde est à venir, mais dans le monde des lunons, dans le temps, un dernier cri, je sens le coup partir, mais dans ta gueule, tu te sentiras moins seul. Dans ta gueule, tu...